Souleymane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 8 août 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le ministre des Affaires étrangères a ouvert les activités des comités de pilotage du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Burundi. Et le chef de cabinet au bureau de l'Ombudsman burundais demande à la population de Bouvanza de s'armer de patience en attendant les conclusions des enquêtes en cours sur les terres faisant objet de litiges avec le camp militaire de Moudoubougou. En Provence, Civitoque, les parents et des personnes souffrant de troubles mentaux se rabattent aux chambres de prière à défaut de les faire soigner et pour cause la cherté des médicaments appropriés. Dans l'actualité internationale au Tchad, la signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires doit avoir lieu ce lundi. Et dans la chronique sport, on parlera de l'arbitrage et du sitting volleyball que pratiquent les aveugles. Voilà pour le sommaire. Bonjour. La Banque de la République du Burundi a désormais un nouveau gouverneur en la personne de Dieudonné Murengera Ntwari, qui était à la tête de la Banque nationale de développement BNDE. Il remplace à ce poste Jean Chiza, qui dirigeait la Banque centrale depuis août 2017. Le nouveau gouverneur de la BRB, quant à lui, remplacé par Édouard Normand Bigendako, nommé administrateur directeur général de la BNDE. Il était cadre de banque à la BRB. Le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Burundi lui apporte un nouveau souffle lors de l'ouverture des activités des comités de pilotage de ce cadre ce matin. Le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro a dit que cela vise la promotion des projets structurants et sources d'activités économiques et créateurs d'emplois. Suivez l'ambassadeur Albert Shingiro. Le plan cadre de coopération apporte un nouveau souffle issu des réformes introduites en 2019 aux Nations Unies dans leur rapport de coopération avec le Burundi. Le mot « assistance » qui ne cadre pas bien avec la dignité et les valeurs intrinsèques du peuple burundais a été remplacé par le mot « coopération ». Comme l'a si bien dit le président de la République à plusieurs occasions, le Burundi n'a pas été créé pour être assisté éternellement, mais plutôt pour s'entraider avec d'autres nations dans un esprit de respect et de confiance mutuelle. Sur cette base, ce nouveau cadre de coopération s'aligne aux priorités nationales, devenant ainsi un outil au service de la transformation économique du Burundi, offrant divers moyens d'inscrire le développement durable au cœur des politiques et des pratiques économiques, le but ultime étant de promouvoir les projets structurants, sources d'activités économiques inclusives, diversifiées, créatrices d'emplois et qui mettent à l'avant-plan l'épanouissement de la population burundaise avec l'obligation de ne laisser personne de côté. Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères. Et le bureau de l'Ombudsman burundais est au courant des conflits fonciers entre la population de Bouvanza et le camp militaire de Moudoubougou, selon Innocent Nimhagaritse, chef de cabinet au bureau de l'Ombudsman, Edouard Nduwimana. Il appelle les parties en conflit à la retenue en attendant les résultats des enquêtes qui sont en cours pour déterminer à qui reviennent ces terres faisant objet de litiges. C'est après que les militaires du camp Moudoubougou et les exploitants des propriétés environnantes se soient rentrés dedans la semaine dernière. Suivez le chef de cabinet au bureau de l'Ombudsman burundais au micro d'Evariste Nzikobanyana. Nous n'avons pas encore de rapport sur cette question, mais cela est dû au fait que les enquêtes que mène l'institution de l'Ombudsman traîne un peu en longueur parce que nous tenons à faire des enquêtes extrêmement précises, sans faille. Mais l'Ombudsman a promis à la population qu'une fois les enquêtes terminées, au cas où il advenait que les propriétés appartenaient aux citoyens, que ces propriétés n'étaient pas des propriétés de l'État, alors les citoyens devraient être indemnisés absolument, soit en leur donnant un lopin de terre équivalent à celle qu'ils auront perdu au camp Moudoubougou, soit en leur donnant de l'argent équivalent à ce lopin de terre. Et il faudra que tout le monde puisse être souple pour accepter le verdict de son Excellence l'Ombudsman lorsqu'il aura terminé les enquêtes. Mais nous pouvons déjà promettre que cette semaine, nous allons voir comment envoyer une délégation de l'institution là-bas afin de s'enquérir de la situation. Si on a autorisé à ces citoyens d'aller travailler, labourer là-bas et planter, nous trouvons tout à fait normal que ces paysans ou ces citoyens puissent aller récolter. Seulement, comme c'est un domaine militaire, peut-être que le citoyen, le pauvre citoyen, n'a pas su qu'il faut d'abord une permission d'entrer, une permission de pénétrer dans le domaine militaire. À tout cela, je dis qu'il faudrait absolument la retenue et garder à l'esprit que nous sommes tous citoyens d'un même pays. C'était le chef de cabinet au bureau de l'ombudsman burundais Edouard Nduimana. Il s'appelle Innocent Nimhagaritse. Il est 13h02 à Bujumbura. Un corps d'une jeune fille du nom de Gahenga Anastasie a été retrouvé par ses parents, suspendu sur un avocatier à leur domicile. C'était dans l'après-midi de ce dimanche, sur la colline Kinyinya, en zone gassive de la commune Matana, en province de Bururi. Cette jeune fille de 16 ans enceinte, selon ses parents, était restée à la maison avec un domestique présumé auteur de cette grossesse. Et selon les sources policières, les officiers de police judiciaire sont arrivés sur les lieux quand le corps de cet enfant était déjà descendu de cet arbre par ses parents au moment où le domestique, présumé auteur de cet assassinat, se blessait tout le corps à l'aide d'une lame de rasoir dans une chambre où il était enfermé en attendant l'arrivée de la police. Ce domestique a été conduit directement à l'hôpital de Matana où il est en train de subir les soins médicaux et il est gardé par la police. Radio Isanganiro, chronique sport. Un arbitre de sitting volleyball que pratiquent les aveugles commence ses prestations après une formation dispensée par des experts durant une période d'une semaine. Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique, dit que ce genre de formations sont organisées en prévision d'une compétition de sitting volleyball à venir très prochainement. Marie-Claire Cazeneza. Un arbitre de sitting volleyball, avant de commencer son métier d'arbitrage, doit d'abord bénéficier d'une formation organisée au niveau zonal, régional et international. Propos de Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Comment un arbitre devient arbitre de sitting volleyball? Comment doit être formé? Et quelle est la durée au volleyball classique? Au volleyball sitting, l'arbitrage se fait soit au niveau zone, au niveau régional ou au niveau international. Donc, ce sont les formateurs ou bien les comités compétents qui organisent ça, et cela au cours des compétitions organisées, parce que les arbitres en formation doivent s'exercer sur des jeux en cours. C'est-à-dire que ce sont des comités compétents qui peuvent organiser des formations du genre, et ces formés doivent s'exercer, bien doivent s'initialiser sur les matchs en cours, de la compétition en cours. Il ajoute que cette formation dure une semaine. Ces formations durent d'une semaine de lundi à vendredi. Et que ce soit au niveau de zone, que ce soit au niveau international, ça fait une semaine. Ce directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique indique que ces arbitres s'exercent au cours de cette formation. Ces formations durent d'une semaine de lundi à vendredi. Et que ce soit au niveau de zone, que ce soit au niveau international, ça fait une semaine. Dans la prochaine chronique sportive, Cassien Bizabigomba expliquera les critères pour devenir un arbitre international et les sanctions infligées aux arbitres de sitting volleyball qui violent les règles régissant ce sport. Actualité internationale. La signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires tchadiens doit avoir lieu ce lundi. Une cinquantaine de mouvements ainsi que le conseil militaire de la transition sont à Doha au Qatar où les négociations sont menées depuis mars dernier. Cet arrangement doit ouvrir la voie à la tenue d'un dialogue national prévu en N'Djamena le 20 août. L'Union africaine a exigé du pouvoir tchadien qu'il mette en place des élections avant octobre prochain. Il vient de passer son deuxième anniversaire en captivité. Olivier Dubois a eu 48 ans le 6 août et cela fait désormais 16 mois qu'il est otage au Mali. Le journaliste français a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao alors qu'il était en reportage. Collaborateur de Jeune Afrique, du Point et de Libération, Olivier Dubois est depuis apparu dans deux vidéos dans lesquelles il explique être retenu par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Al-Ghali est lié à Al-Qaïda. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé sa tournée africaine par un déplacement à Johannesburg pour de nombreux spécialistes et politiques. Son séjour en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda a pour objectif de contrer l'influence russe sur le continent. Ce dimanche 7 août, le diplomate était dans le township de Soweto. Il s'est rendu devant un monument rendant hommage à Hector Peterson, un garçon de 12 ans abattu par la police en 1976 pendant la lutte anti-apartheid. Et la cherté des médicaments pour les personnes souffrant de troubles mentaux en province Cibito qui les pousse à recourir aux chambres de prière, ce que le conseiller du gouverneur chargé des affaires sociales ne voit pas d'un bon œil. Anne-Marie Chitegetse met en garde les pasteurs qui prient clandestinement pour ces malades. Audrey Akimana. Il s'agit de Tete Kanyange, femme qui habite sur la colline Lusiga de la commune Lugombo en province Cibitoke, qui a un enfant atteint de la lèpre. Elle dit qu'à cause de la cherté des médicaments, elle a cessé de faire consulter son enfant. Quant à André Wigilman de la même colline, il informe qu'ils ont préféré amener sa sœur Béatrice Ndavitezimana dans les chambres de prière alors qu'elle souffrait de la maladie mentale. Docteur Jean-Norbel Mounier-Nouadi, psychiatre à l'hôpital qui traite les maladies mentales dans le district de Cibitoke, a précisé que souvent, ils amènent des malades en état critique car ils ont l'habitude de se rendre d'abord dans les chambres de prière. Moi, je suis chrétien, mais aussi je ne suis pas pour quelqu'un qui prie pour un malade, sachant qu'il y a une cause qui est là. Et on ne peut pas prier devant une cause qui est déjà là, disant que tu vas le guérir. Peut-être psychologiquement, c'est là assoupli, mais une fois ayant quitté par ce centre de prière, la maladie va encore revenir. Vaut mieux traiter la symptomatologie, vaut mieux chercher la voie de sortie de ces causes pour qu'ils puissent avoir une vie saine. Anne-Marie Chitegete, conseillère du gouvernement de la province Cibitoke et chargée des affaires sociales, recommande les gens de se méfier de ces chambres. Elle met en garde les adeptes religieux clandestins. Le rapport de 2019, produit par trois centres psychiatriques se trouvant en province Cibitoke, Ngozi, ainsi qu'en mairie de Bujumbura, montre que plus de 22 000 personnes souffrent des maladies mentales depuis 2015 et jusqu'en 2017. Dans nos éditions ultérieures, on vous parlera de l'état de lié de cette maladie au Burundi. Audrey Akimana qui met fin à ce journal. Mais avant de nous séparer, j'en rappelle les grandes articulations. Le ministre des Affaires étrangères a ouvert les activités des comités de pilotage du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Burundi. Et le chef de cabinet au bureau de l'Ombudsman burundais demande à la population de Rwanda de s'armer de patience en attendant les conclusions des enquêtes en cours sur les terres faisant objet de litiges avec le camp militaire de Mundugugu. En province Cibitoke, les parents des personnes souffrant de troubles mentaux se rabattent aux chambres de prière à défaut de les faire soigner pour cause. La cherté des médicaments appropriés et au Tchad, la signature de l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires doit avoir lieu ce lundi. Vous l'avez suivi dans la chronique Sport. Comme tous les lundis, nous avons parlé de l'arbitrage du sitting volleyball que pratiquent les aveugles. Il est 13h09 à Bujumbura et sur Isanganiro. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Innocent Kugimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, un très bon après-midi. Actualité régionale. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette revue régionale. Anthony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis, séjournera en RDC du 9 au 10 août. Son programme prévoit des entretiens avec les membres haut placés du gouvernement congolais et des membres de la société civile pour discuter de l'intérêt mutuel à assurer la tenue d'élections libres, inclusives et justes en 2023 en promouvant le respect des droits de l'homme et en protégeant les libertés fondamentales. Il appuiera les efforts africains régionaux pour promouvoir la paix dans l'est de la RDC et l'ensemble de la région des Grands Lacs, lit-on sur le journal actualité.cd. À ce propos, des organisations comme Human Rights Watch ont signé un communiqué conjoint dans lequel elles estiment qu'Anthony Blinken devrait clairement affirmer que les États-Unis imposeront des sanctions ciblées aux responsables gouvernementaux et autres personnes qui soutiennent des groupes armés et qui commettent des abus, poursuit son quotidien. Toujours en RDC, le journal Okapi écrit que le député provincial élu de Rutshuru, Bonaventure Chirimuhwe, demande des sanctions contre le Rwanda. Un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU atteste en effet l'appui du Rwanda. En plus de la dénonciation, la communauté internationale devrait aussi imposer diverses sanctions contre le régime de Kigali pour l'agression de la RDC. Actualité régionale. Les candidats à l'élection présidentielle kényane promettent une reprise économique dans la dernière vague de vote, indique le journal Daily Monitor. Après des mois de campagne frénétique à travers le vaste pays, les deux candidats ont organisé leur dernière offensive dans la capitale Nairobi, s'adressant à des milliers de partisans brandissant des drapeaux flanqués de foules en liesse et de cornes de vuvuzela retentissantes. Les favoris de l'élection présidentielle au Kenya ont promis de relancer l'économie en difficulté du pays samedi, alors qu'ils faisaient leur dernier effort pour les votes avant les élections du 9 août. Le vice-président William Ruto et Raila Odinga, un vétéran de l'opposition désormais soutenu par le parti au pouvoir, se battent pour avoir la chance de diriger le Kenya. Bobi Wine a déclaré dimanche dans un article sur les réseaux sociaux que lui et Besigye, tous deux anciens candidats à la présidentielle en Ouganda, se trouvaient au Kenya dans le cadre de l'équipe d'observation de l'Afrique, lit-on sur le journal Kenya des Citizens. En Tanzanie, la nomination des juges fait le buzz, titre le journal Mwananchi. Bien que les avocats applaudissent la nomination de 22 juges à la Cour suprême par la présidente Samia Suluhu Hassan, ils ont proposé des réformes qui rendront le processus de recherche de ces prestataires de justice plus ouvert qu'il ne l'est actuellement, à l'exception d'un candidat qui était auparavant membre de la Commission électorale nationale. La déclaration publiée par la direction des communications présidentielles a montré que les avocats du gouvernement, les hauts magistrats, les avocats indépendants et les professeurs d'université faisaient partie des personnes nommées pour occuper ce poste important dans l'administration de la justice. Et cette nomination a battu le record du plus grand nombre de juges de la Cour suprême jamais nommés en même temps. La présidente Samia est également entrée dans l'histoire en choisissant plus de femmes juges en même temps que ses prédécesseurs. 10 sur 22 juges nommés sont des femmes et leur prestation de serment aura lieu n'importe quel jour, poursuit Mwananchi. Ainsi s'achève cette revue régionale. Merci à vous tous de l'avoir suivie. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho et Moïse Misago. À la prochaine. Actualité régionale.